vivre en, aux cieux. Voilà. Amen. Amen. Et c'est voir en tout the earth. Because Satan has come. Also rejoice you heaven because I'm here. Amen. Wehe der Welt, denn der Satan ist auch euch hinabgekommen. Aber freut euch, ihr Himmel, denn ich bin jetzt hier. Il dit malheur à ce monde parce que le diable est venu ici sur terre. Mais rejouissez-vous, vos cieux, il dit ça, parce que lui, il est maintenant ici. Son royaume est déjà là. That's Revelation 12:12. Das ist in Offenbarung 12:12, lesen wir das. Ça, c'est Apocalypse 12:12. He talks about earth and heaven. Là, geht's um Erde und Himmel. Là, il parle du royaume des cieux, de cieux et de cette terre ici. It means heaven is here on earth. Ça, c'est le Himmel est ici auf Erden. Ça signifie que le royaume des cieux est ici sur terre. And not after you die. Und nicht nach deinem physischen Tod. Et pas après ta mort. To live in heaven starts from here. Auf im Himmel zu leben fängt hier an. De vivre dans les cieux, ça commence ici sur terre. You know, our prayer should be, Christ, help us, Lord, help us to live your heavenly life. Unser Gebet sollte jetzt sein, for us. Hilf uns, dieses himmlische Leben zu leben für das, was du uns gegeben hast, was du uns geboten hast. Notre prière doit être, Père, aide-nous à vivre la vie céleste que tu as ici, que tu as prévu pour nous ici sur terre. Mm. You know, our prayer should be, Lord, help us to live in your heavenly world that you have given us. Herr, hilf uns in deiner himmlischen Welt zu leben, die du uns gegeben hast. Notre prière doit être, Père, aide-nous à vivre dans ton monde céleste que tu nous as donné. Gib uns eine Anleitung. Yeah. Amen. Amen. Again, two worlds on earth. Denn es gibt zwei Welten auf Erden. Parce qu'il y a deux mondes ici sur terre. That of Christ and that of Satan. Die von Christus und die vom Satan. Celui du diable et celui de Jésus-Christ. So also two gods on earth. Genauso wie auch zwei Götter auf Erden. Tout comme il y a deux dieux ici sur terre. Praise the Lord. Hallelujah. Two gods on earth. Zwei Götter auf Erden. Deux dieux ici sur terre. One is true, the other one is fake. Der eine ist wahrhaftig und der andere ist verfälscht. L'un qui est le vrai Dieu et le deuxième il est un Dieu falsifié. If you go to 2 Corinthians, please. Zweiter Korinther. Let's go to 2 Corinthians. On va lire 2 Corinthiens. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 4:4. Zweiter Korinther 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Amen. He is talking about their God. Hier geht's um ihren Gott. Ici, il parle de leur Dieu. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. The whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is not our God. Der Satan ist nicht unser Gott. Le diable n'est pas notre Dieu. But the Bible calls Satan God. Mais la Bible appelle Dieu ici le diable ici un dieu. He calls Satan the god of this world. Et nennt Satan den Gott dieser Weltzeit. Il appelle le diable le dieu de ce monde. And it is really the god of this world. Und est wirklich der Gott dieser Weltzeit. Et il est vraiment le dieu de ce monde. Amen. Amen. Because he is their god. Denn er ist ihr Gott. Parce qu'il est leur dieu. Man made Satan God. Der Mensch hat ihn zum Gott gemacht. C'est l'être humain qui a fait de lui un Amen. Dieu. Amen. In Genesis 3, if you go there and read it. Amen. Mose 3, when man disobeyed the only true God. Als der Mensch den einzig wahrhaftigen Gott missachtet hat. Quand l'être humain a désobéi le seul vrai bon Dieu. You know, the Muslims, they are very fast in one thing. They always say, there is one God. They ask you that. Die Muslime sind immer sehr schnell darin zu sagen. Sometimes in most cases it's question. You believe there's one God. Dass es nur einen Gott gibt. Les musulmans, par exemple, ils disent que oui, il y a qu'un Dieu, un seul Dieu. Don't ever say yes. Sag niemals ja dazu. Because the answer is no. Denn die Antwort ist nein. Mm-hmm. Et ne dis jamais que oui, il y a un Dieu. Mm-hmm. Non, parce que c'est pas vrai. Il y a deux dieux. Amen. The Bible calls Satan the God of this world. Die Bibel nennt den Satan den Gott dieser Weltzeit. La Bible dit que c'est le diable qui est le dieu de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. You know when they tell you there is one God, and you know what they call God is not what you call God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What is? It is only through Christ, you know, the true Amen. God. Then that's but they don't have Christ, but they are telling you there is one God. Mm. And you are saying yes. You are saying yes to their God. I don't know if somebody is getting it. Wir dürfen diese Antwort niemals bejahen, weil das, was sie den einzig wahrhaftigen Gott nennen, ist nicht Jesus Christus. Und wenn es nicht Jesus Christus ist, ist es nicht der einzig wahrhaftige Gott, sondern es ist der Satan. Deswegen können wir nicht sagen, ja, es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist der gleiche wie euer und wir dienen ihm nur anders. Nein, sie redet zu einem anderen Gott, der nicht Christus Jesus ist. Et c'est pour cela on doit toujours refuser quand il dit que oui, mais à la fin on a un Dieu. Tu dois dire non parce que si tu dis oui, c'est comme si tu étais en train de, oui, tu es en train d'adorer aussi leur Dieu. Tu dois dire non parce que vous, toi et eux, vous n'avez pas le même Dieu. Ton Dieu c'est Jésus-Christ et leur Dieu c'est le diable parce qu'ils sont en train de adorer leur Dieu. You know, Satan is very clever. Der Satan ist sehr gerissen. Le diable il est vraiment malin. He will push you to say yes to them. Er wird dich in eine Ecke drehen, damit du ja sagst zu ihnen und sagst, ja, wir haben die nur einen Gott, aber jeder hat eine andere Interpretation von Dingen. Et il va vouloir te, oui, te, il va vouloir te, te mettre dans une position où tu vas accepter qu'il y a un Dieu. Tu vas accepter leur Dieu même sans savoir. They are not talking about your God. Aber sie sprechen nicht über unseren Gott. There's one God. Wenn sie sagen, dass es nur einen Gott gibt. Et quand ils sont en train de dire qu'on a qu'un Dieu, ils parlent pas de ton Dieu. Because they don't know your God. Denn sie kennen unseren Gott nicht. Parce qu'ils connaissent pas ton Dieu. Is somebody getting it? Yes. Amen. They don't even believe your God is God. Denn sie glauben nicht mal, dass dein Gott Gott ist. Ils croient même pas que ton Dieu est un Dieu. Amen. They know nothing about the only true God. Sie wissen nichts über den einzig wahrhaftigen Gott. Ils ne savent rien concernant le vrai bon Dieu. Amen. Jesus said he is the only way. John 14. Jesus sagt, so the only true ist der einzige God. Wahre Weg zum zu Gott. Jésus Christ dit que c'est lui-même qui est le seul chemin vers l'éternel Dieu. Amen. Without him, you can never know the only true God. Ohne ihn kannst du niemals den einzig wahrhaftigen Gott erkennen. Sans Jésus-Christ, tu n'es pas capable à reconnaître le vrai Dieu. Without him, any God you know is fake. Ohne ihn ist jeder Gott, den du kennst, eine Fälschung. Sans lui, le Dieu que tu connais, c'est un Dieu fou. So they are saying there is only one God, it is fake. Sie behaupten, dass nur ein Gott gibt, ist fake. Because they cannot know the only God. The true God, only true God, without Christ Jesus. Sie können den einzig wahrhaftigen Gott nicht kennen ohne Christus Jesus, weil sonst wären sie nicht in dieser religiösen Gefangenschaft. Eux, ils sont pas capables à reconnaître qu'il y a que ton Dieu est vrai, parce que sinon ils n'allaient pas être dans une religion. Praise the Lord. Hallelujah. All they know is Satan. Alles, was sie kennen, ist der Satan. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le diable. Amen. Again, the answer to that question is. It's not yes, but no, all the time. Also wenn Muslime beispielsweise dich fragen, ob wir einem Gott dienen, sagst du, nein, wir dienen nicht einem Gott, weil ihr Gott der Satan ist, unser Gott ist Christus Jesus. Et c'est pour cela quand un musulman te demande, te dit que oui, mais à la fin on a un même Dieu, tu dois toujours dire non, parce que eux sont en train d'adorer leur propre Dieu, qui est le diable, le Dieu de ce monde, et nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Even yesterday, somebody said it to me. Gestern hat es mir jemand gesagt. I went to a store, the Turkish people, you know, I was speaking with somebody, cover her head, the face is not covered, you know. Well, we were talking, and I said, you know, she said, how many children do I have? I said, I cannot even count them, they are very many. He said, huh? I said, yes. I said, in Christ Jesus. Amen. Oh, he said, they believe in Christ. He said, it's a prophet. I said, it's not a prophet, it's God. Amen. He said, then the other one said, there's only one God. I said, no, there are many gods. All of them, they started looking at. There were many. I said, there are many gods. Your God is Satan. What you call God is not the true God. The woman was so, if you see her face, she nearly, what I don't pay for, she said, I must pay for it. Before she always give me free. She said I offended her very well. The next day when she saw me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know. I said, don't hate me because I tell you the truth. Mm-hmm. We don't be just I said, you are going to, I told her, I said, it's a matter of time. I said, you are going to see the truth and know the truth. And they've been looking for me to say thank you. Und gestern beispielsweise war ich auch in einem türkischen Supermarkt einkaufen und da hat mich eine Frau gefragt, wie viele Kinder ich habe. Und diese Frau war komplett verhüllt, aber ihr Gesicht war komischerweise nicht verhüllt. Und sie hat mich dann gefragt, wie viele Kinder ich habe. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich habe richtig viele Kinder an Christus Jesus. Hat sie gesagt, okay, was meinst du? Wir glauben auch an Christus als Propheten. Dann habe ich gesagt, nein, er ist kein Prophet, er ist Gott. Ne? Hat sie gesagt, ja, aber hat jemand anderes hinter mir dann gesagt, aber es gibt doch nur einen Gott. Dann habe ich gesagt, ja, dieser, nein, es gibt eben nicht nur einen Gott, es gibt mehrere Götter. Und euer Gott ist der Satan, mein Gott ist Christus Jesus. Und dieser Frau ist alles aus dem Gesicht gefallen. Sie war total schockiert über diese Aussage von mir und hat das nicht verstanden. Und ich habe ihr gesagt, ja, hasst du mich jetzt, weil ich die Wahrheit sage? Das ist so. Und du wirst mir irgendwann danken für diese Wahrheit. Du wirst irgendwann vielleicht auch zu dieser Wahrheit kommen und sich bei mir bedanken. Weil sie war dann ein bisschen angegriffen und die Dinge, die sie mir manchmal einfach so geschenkt hat, manchmal beim Einkaufen, hat sie mir dann nicht mehr geschenkt, weil sie dann ein bisschen eingeschnappt war deswegen. Aber das ist eben so. Il y avait par exemple, maman était partie hier, elle était partie acheter quelque chose dans un magasin de Turcs là, et il y avait une femme qui était là, qui disait, oh, combien d'enfants tu as? Maman a dit que ben, j'ai beaucoup d'enfants, je ne peux même pas les compter. Et la dame disait, mais ce sont mes enfants en Christ. Et la dame disait que oui, nous aussi on croit en Jésus-Christ, mais on sait que pour nous il est un prophète. Et moi j'ai dit, non, il est Dieu. Et il y a un monsieur qui disait derrière elle, il a dit que oui, mais il n'y a qu'un Dieu. Et moi, j'ai dit non, il y en a plusieurs dieux. Et nous, votre Dieu et mon Dieu, c'est pas la même chose. Et la dame était vraiment fâchée. Et normalement, elle me donne toujours des histoires, quelque chose de gratuit. Et ça qu'elle me donnait normalement gratuit, elle m'a dit de payer pour ça. Et moi, j'ai dit même à la femme, mais c'est à cause de la vérité. Et puis j'ai dit à la femme, sache qu'un jour, il y aura un jour que tu vas commencer à me chercher. Parce que moi, je te dis la vérité. Je te dis ce que l'Éternel me dit de te dire. Et oui, c'est ça. Praise the Lord. C'est mon expérience hier. Yeah. And she said, they respect all religion. I said, thank Jesus, I don't have religion. I said it to her. This is Dutch to Dutch. I said it to her. I said, I don't have religion. He said, praise the Lord. Amen. Then he said, you respect religion. I said, I hate religion. Anytime when you just speak, I'm a point. I respect religion. I said, I hate religion. I said, you have the problem everywhere today. I said, yeah, the problem. I said, Christ, Jesus is the only salvation. Und sie hat versucht wieder irgendwie alle wieder ins Boot zu holen, um zu sagen, ja, ich mag alle Religionen, ich akzeptiere alle Religionen. Habe ich gesagt, ich habe keine Religion, ich habe Christus und ich hasse Religion, habe ich auch zu ihr gesagt. Und dann habe ich ihr das halt erklärt und sie war halt erschrocken. Und das habe ich von Deutsch zu Deutsch habe ich was mit ihr geklärt. Und ich danke dem Heiligen Geist, dass er mir die Worte auf den Mund gelegt hat dafür. Ja, genau. En fait, par exemple, la femme disait que oui, mais moi je respecte toutes les religions. Et maman lui a dit aussi en Allemagne, elle a dit que ben moi, Dieu merci que je n'ai pas de religion. Et je déteste aussi la religion parce que eux ils sont les gens qui font des problèmes ici et qui causent des problèmes. Et je remercie l'Éternel parce que c'est lui qui m'a donné vraiment les mots à dire parce qu'on a parlé vraiment en allemand et je les ai vraiment tout dit en allemand. Amen. Mm-hmm. They know nothing about the only true God. Mm-hmm. Sie wissen nichts über den einzig wahrhaftigen Gott. Eux connaissent rien concernant le vrai bon Dieu. All they know is Satan. Alles was sie wissen ist der Satan. C'est que eux connaissent c'est le diable. Praise the Lord. Amen. Amen. And so the answer to that question should not be yes, but no. Because the God they are talking about is Satan. Mm. He is not the true God. But he is their God. Das sollte die Antwort zu dieser Frage immer Nein sagen sein, na, damit wir klarstellen, dass Jesus Christus einzig wahrhaftig Gott ist und dass ihr Gott der Satan ist. Mm. Et c'est pour cela la réponse à toutes ces questions doit toujours être non, parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai bon Dieu. Amen. Mm. Two gods on earth. zwei Götter auf Erden. Il y a deux dieux ici sur terre. Et Merdo is not our God, is their God. Auch wenn es nicht unser Gott ist, ist es aber deren Gott. Même si le diable n'est pas notre dieu, mais il est le dieu de ces gens ici. Don't let them confuse you and say yes, there is one God. Lass dich nicht verwirren oder lass nicht zu, dass du aus Mitleid dann doch sagst, ja, wir haben den gleichen Gott. Ne laisse pas les gens de ce monde te confondre et d'accepter qu'il y a deux dieux ici sur terre. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They have even started calling their God the only true God. Mm. I heard it from somewhere. They said their God. It's just a Muslim said, my God is the only true God. Mm. You can see it. Amen. So you better draw the line and let them know that there's another God. Mm. It is somewhere that they are calling their God and not the real true God. Und sie haben schon angefangen, ihren Gott als den einzig wahrhaftigen Gott deklarieren, zu benennen. Und deswegen sind wir in der Position, ihnen das zu sagen, wenn sie meinen, uns da mit in diese Lehre reinzuziehen. J'ai écouté dire, quelques musulmans aussi dire que leur Dieu c'est le seul vrai bon Dieu. Et c'est pour cela, nous, on doit vraiment être strict et dire que non, on n'a pas le même Dieu et c'est notre Dieu qui est le plus, qui est le Dieu vivant. Amen. Amen. So also two sons on earth. Genau wie zwei Söhne auf Erden. Et c'est comme ça qu'il y a aussi deux fils ici sur Terre. It's like Isaac and Ishmael. So wie Isaac und Ishmael. Tout comme, c'est un peu comme Isaac et Ismaël. You know, Isaac is the true son. Isaac ist der wahrhaftige Sohn. Ishmael was the fake son. Ismaël war der falsche Sohn. To go to Galatia. Mm. Si tu vois, la Bible nous dit que Isaac était le vrai fils et Ismaël était un fils qui était faux. Praise the Lord. Mm. Galatians 4. Galata 4. On va lire Galates 4. Amen. Verse 23. Because of time, we'll shorten things here. Amen. Verse 23. But he who was of the bond woman was born after the flesh. Talking about Ishmael. C'est comme Ismaël. Ici parle de Ismaël. Or from verse 22 is better. From verse 22. Verset 22 à 23. He said, for it is written that Abraham had two sons. You see there. Mm-hmm. The one by the bond maid and the other by a free woman. Amen. Mm. Verse 23. But he who was of the bond woman was born after the flesh. Mm. But he of the free woman was by promise. Mm. Praise the Lord. Mm. Amen. Mm. Because of time, we will not read. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, de la femme esclave et de l'un de la femme libre. Maintenant 23. Mais celui de l'esclave naquit selon de la chair. Naquit selon de la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Praise the Lord. Hallelujah. You have two sons. One is of Christ. The other one is Satan. Wir haben zwei Söhne. Einer ist von Christus, einer ist von Satan. Il y a eu deux fils. Un du Christ, un du diable. Your true children are those that surrender to Christ. Die wahrhaftigen Kinder sind die sich Christus hingeben. Et tes vrais enfants, ce sont les enfants qui se soumettent à la vérité de l'Éternel. I don't know if somebody's getting it. Amen. It's here. We just read it. Yeah, but Abraham had two sons. He said one is fake. The other one is the real one. Mm-hmm. Are you getting it? Then because of time, look at verse 28. 28. He said now, we brethren, as Isaac was, are the children of promise. You see that? As Isaac, he said, we are the children of promise. Mm-hmm. Amen. Verse 29. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Mm-hmm. It's everywhere today. Mm-hmm. Verset 28 à 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi qu'en est-il encore maintenant. You know, as a mother, if you have three children, and one introduces you to Christ, you know how they persecute you for choosing Christ is how they are going to persecute the son. Your son that introduced you to Christ. They are going to fight both of you. I don't know if somebody's getting it. He's still here. Look at him. He's here today. Yeah, this very place I've been reading 1,000 years ago, and he's still there today. Wenn du als Mutter drei Kinder hast und eines dieser Kinder bringt dich zu Christus, wird man dieses Kind genauso verfolgen wie man auch dich verfolgen wird, weil du dich für Christus entschieden hast. Si par exemple tu as deux enfants et un t'aide à t'amène à la vérité, à connaître Jésus-Christ, on va aussi persécuter le fils qui t'a aidé à venir en Jésus-Christ. C'est ce verset ici qui nous fait dire comme ça, qui nous fait voir ça. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 29 again. Say, but as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Persecution is going to come from them. Choosing Christ. Weil du dich für Christus Jesus entschieden hast. Donc les persécutions vont venir parce que toi tu as choisi les Jésus-Christ. Amen. Amen. It's going to come from your brother that refused to surrender to Christ. Es wird kommen von deinem Bruder, der sich geweigert hat, sich from your sister, from everywhere. Ça peut venir de ton frère ou bien de ta mère ou bien de ta sœur qui a refusé de se soumettre à Jésus-Christ. They will not even join with the other family and persecute you. Mit anderen Familienmitgliedern zusammenschließen, um dich zu verfolgen. Und du wirst wie das schwarze Schaf sein, aber freue dich dafür, dass du dich für Christus entschieden hast. Ils vont même se mettre avec d'autres familles pour aussi te persécuter. Mais toi, sois réjouis-toi parce que tu as choisi l'Éternel. Verse 30. It says, nevertheless, what said the scripture? Cast out the bond woman and her son. Let them go. Laisse-les partir. Is somebody getting it? Mm. Don't be sad that they go. Let them go. He said, cast them out. Mm. And her son. For the son of the bond woman shall not be heir with the son of the free woman. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus in ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Mm. Donc, ici, verset 30. Yes, related to all of us, please. Mm. Mm. Ici, c'est pour nous tous, parce qu'ici, verset 30 nous dit à la fin que... verset 30 nous dit ici que... Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car les fils de l'esclave n'héritent pas avec les fils de la femme libre. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen! Verse 31. He says, so then, brethren, we are not children of the bond woman, mm-hmm. but of the free. Amen. For Christ's sake. Um Christus willen. Donc tout ça pour Jésus Christ. Amen. Amen. We just talked about two gods. Wir haben über zwei Götter gesprochen eben. Then two sons. On a parlé de deux dieux. Zwei Söhne. Then now two fathers. Jetzt zwei Väter. Maintenant, on va parler de deux pères. Praise the Lord. Il y a tout. Et tu entscheides. Donc il y a toujours deux et toi tu vas choisir. Amen. Amen. Two fathers on earth are not one. Zwei Väter auf Erden, nicht einen. Deux pères sur terre ici et pas un père. Remember the Lord's Prayer in Luke 11, verse 2. Erinnert euch an das Vater unser in Lukas 11, Vers 2. Rappelle-toi du Père notre Père. Jesus talk about the heavenly Father. Jesus spricht über den himmlischen Vater. Jésus Christ a parlé de Père aux cieux. And in John 10, verse 29 and 31. Mm-hmm. Praise the Lord. Johannes 10. Jean, please, mais Jean 10. 29 and 31. 29 à 39. I wish we were not close today. 29 and 30 is okay. Jean 10, 29 et 30. Amen. He said, my father which gave them me is greater than all. And now he's speaking of one father now. Amen. He's so father. Amen. Which is our father. Der auch unser Vater ist. Who is our father? Amen. He said, my father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my father's hand. Verse 30. I and my father are one. Amen. You see there. He talks about one father. Then in John 8, he talks about another father. Und Johannes 8 geht es um einen anderen Vater. Jean 10, il parle ici d'un père. Moi, mon père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Moi et mon père, nous sommes un. Il a parlé ici d'un Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 8 and see another Johannes father. 8, geht zu meinem anderen Vater. On va lire Jean 8, hein, on va parler, on va voir qu'il parle d'un autre Dieu. Feet of parce qu'il y a deux pères sur terre. Yeah. Il parle d'un autre père. Look at verse 38. Of John 38. He says, I speak that which I have seen with my father. And you do that which you have seen with your father. Mm. Two fathers. Zwei Väter hier. Il dit, ici, verset 38, on le voit clairement. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Amen. Amen. Then in verse 44, he also talk about your father, the lie. He says, you are of your father, the devil, and the loss of your father, you will do. He was a murderer from the beginning, and abhorred not in the truth, because there is no truth in him. Amen. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Can you see two fathers, the difference between two fathers? Zwei Väter, den Unterschied zwischen zwei Vätern. Er nennt diesen Vater sogar beim Namen. Und Vers 44. Verset 44, il dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Donc il dit ici que vous avez un autre père que le mien. He gave birth to us, that is Christ. Er hat uns das Leben geschenkt, Christus. Et lui, le Christ, il nous a donné. Satan gave birth to them. Und Satan hat ihm das Leben geschenkt und deswegen ist er ihr Vater. Et c'est le diable qui les a donné leur vie et c'est pour cela leur père c'est le diable. Then your unsafe father. Dein unerretteter Vater. Et ton père qui n'est pas né de nouveau. Your unsafe father is in category of Satan. Dein unerretteter Vater ist in der gleichen Kategorie wie der Satan. Ton père qui n'est pas sauvé, il est de la même catégorie que le diable. If your father is safe, except if your father, your natural father, is no longer of this world but of Christ. Amen. If your natural father is no longer, is now of Christ, is something else, is Christ. Es sei denn, dein natürlicher Vater gehört zu Christus Jesus. Because sauf si ton père naturel est maintenant un fils de Dieu. Dann ist er der wahre Vater, weil es Christus ist. Et là, il est aussi un père céleste parce qu'il est un fils de Dieu. Praise the Lord. Appartient. We quickly go back to Galatians 4 again. There's something I want to explain. On va rentrer à Galatians 4. Galatians 4. Maybe where we after here we'll close. Amen. But we still. We cannot finish it. Praise the Lord. Galatians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27. Verse 27. To the end. Until the end. Just the last. Praise the Lord. Hallelujah. For it is written, rejoice thou barren, that beareth not. Break forth and cry, thou that travelest not. For the desolate have many more children than she who had an husband. I hope you understand here. Mm-hmm. It means if you are safe. Das wenn du errettet bist. Ich wollte es erstmal lesen kurz. Okay, gut. Car il est écrit, rejetez-toi, stérile. Toi qui en enfante point, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a été mariée. Praise the Lord. Hallelujah. It means if you are safe, no matter how many children you have. Amen. And if they are not safe, you are barren. Das heißt, wenn du errettet bist, if you are safe, no matter how children you have in the natural world, you are barren. Wenn deine Kinder nicht errettet sind, if your children, they are not safe, dann you are barren. Bist du unfruchtbar, wie hier die Bibel sagt. Also du hast keine Kinder sozusagen, weil alle deine Kinder sind sozusagen tot. Ce qu'ils ont, ils veulent te dire, ce qu'ils ont dit ici, c'est toi, une femme qui a beaucoup d'enfants, hein? Mais si tu es née de nouveau et tes enfants ne sont pas encore nés de nouveau, ça signifie que peu importe combien ils sont, tu es une femme stérile parce que eux, ils sont pas, ils ont même pas, ils ont plus le même sang que toi parce que toi, tu es maintenant une femme de, tu es de l'esprit et eux sont encore naturels. Look at it. Okay. Also reden wir ja, also die gerettete, die errettete fruchtbare Frau, wenn ihre Kinder nicht errettet sind. Yeah, if you are safe, if I'm safe, and none of my children are safe, natural children, if I have maybe 20, and they are not safe, I am barren. I'm a barren woman. Aber du bist doch trotzdem, also wenn wir aber nach dem Vers gehen, hast du trotzdem unzählige Kinder, weil alle Kinder, die dann, also der Welt, die errettet sind, sind ja deine Kinder. Ja, aber das Gefühl ist zu unfruchtbar. Aber geistig gesehen hast du ja viele Kinder, weil alle Kinder Gottes deine Kinder sind, sozusagen. Es geht darum, auf die Natürlichen darauf einzugehen. Die Natural, we are talking about the Natural. Es geht um die Natürlichen. Like me now, if I use myself, I will say I have two children. Comme par exemple, naturally. Naturellement, je veux dire, je veux dire, que j'ai deux enfants. It's like Mama said, I will say you have only one son. Because all that, they are not safe. That's what the Bible is talking about here. And if all of them are not safe, it means that woman is barren. Rejoice, you barren for choosing Christ. You are now a barren because you choose Christ. Are you getting it? C'est pour ça qu'il dit que réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Ça ne signifie pas que la femme, par exemple, forcément n'a pas des enfants. Il s'agit de l'esprit. Donc ça signifie que même si tu as des enfants charnels, s'ils ne sont pas nés de nouveau, personne d'eux est né de nouveau, tu es une femme stérile. Parce que seulement quand ils commencent à être nés de nouveau, c'est comme ça que l'un après l'autre commence aussi à compter comme tes enfants aussi. If you even read it down, look at it. Thou that travelled for the desolate had many more children than she who had an husband. You that do not have any child naturally, you have children. You know, got children that are your family. And there are so many. Those who preach to that, one day or the other will become God's children. That Jesus talks about that. On that day, I will say thank you for being there for them. Are you getting it? Deswegen soll sich ja die Unfruchtbare freuen, weil sie hat jetzt Kinder durch Christus, und die ihre Kinder nennen kann wegen Christus. Und deswegen kann sie sich freuen. Aber physisch gesehen sind ihre leibeigenen Kinder nicht lebendig, nicht errettet, weil sie sich gegen Christus entschieden hat. Und deswegen ist sie sozusagen unfruchtbar, weil ihre physischen Kinder sozusagen sich nicht für Christus entschieden haben. Et c'est pour cela, la femme qui est stérile, même si, non, si une femme est vraiment stérile, une femme qui est stérile, doit aussi se réjouir parce que les enfants qu'elle a en esprit, ça devient aussi ses enfants aussi. C'est comme ça que tes enfants là seront maintenant tes enfants parce que tu es maintenant née de nouveau, même si une femme qui est stérile naturellement n'a pas des enfants, mais dès qu'elle est née de nouveau et qu'il y a frères et sœurs ou bien même des enfants en Christ, ces enfants-là sont automatiquement aussi tes enfants parce qu'il s'agit de l'esprit maintenant. Praise the Lord. Donc ça signifie que même si tu es une femme qui a 10 enfants naturels, tous ces 10 enfants-là ne sont pas tes enfants s'ils ne sont pas nés de nouveau. Et du coup, seulement les enfants de Dieu deviennent tes enfants. Donc tu comprends. Praise the Lord. Hallelujah. On Wednesday, I will go into that of age. Yeah. Age should never be a barrier. Should be a blessing. Und deswegen sollten wir, werde ich auch am Mittwoch nochmal auf das Thema Alter eingehen, dass wir nicht Look at Abraham, Genesis 12. Uns vom Alter bremsen lassen und denken, okay, der Wille Gottes ist in meinem Leben abgefahren, weil ich schon so und so viel alt bin. Et c'est pour cela l'âge ne doit pas aussi, on va parler mercredi de l'âge, l'âge ne doit jamais être une barrière pour nous, ça doit être une bénédiction pour nous. No, it's difficult for me to obey. You know, the pain is so much because of my age. Because I've lived so much with them. That's not Abraham. Abraham never do that. He believed God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You have Christ as an example that he died for you. Abraham did not have anything. He only had words. Deswegen können wir unser Alter nicht als Ausrede nehmen, weshalb wir Christus missachten und im Fleisch weiterhin wandeln, weil wir gewohnt sind an das Fleisch, weil wir uns jahrelang an das Fleisch gewöhnt haben. Deswegen können wir nicht mehr aus unserer Routine raus. Nein, wir haben keine Ausrede mehr, weil Abraham, er hatte noch nicht mal den Tod von Christus Jesus vor Augen, um sich daran festzuhalten, daran zu angeln, um weiterzugehen. Er hatte nur dieses Versprechen des Herrn vor Augen. Aber wir haben heute den Tod von Christus Jesus, die Auferstehung von Christus Jesus vor Augen, die uns antreibt, ihm vollkommen zu folgen und alles hinter uns zu lassen. Deswegen haben wir keine Ausrede, egal wie alt wir sind. On doit comprendre qu'on n'a pas d'excuse, on doit pas prendre l'âge comme l'excuse que quelquefois on se dit que oui, mais non, c'est trop difficile pour moi, je suis vraiment habituée à ça. Non, parce que imagine Abraham, il était aussi âgé et lui, il avait que la promesse de l'Éternel qu'il aurait un fils. Mais nous, aujourd'hui, on a l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Et on peut s'accrocher à ce fait-là. Lui, il s'accrochait seulement à une promesse. Mais nous, on peut, aujourd'hui, on peut s'accrocher à sa mort, à sa résurrection, à son sang, à toute la Bible. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 12, just 1 to 4. 1 Mose 12, 1 bis 4. Genèse 4, 12, 1 à 4. If you read Genesis 11, you see the family of Abraham. Und in 1. Mose 11 sehen wir die Familie von Abraham. Oh, the Lord directs. Amen. But now, Genesis 12, 1 to 4. He said, now the Lord has said unto Abraham, go thee out of your country and from their kindred, not just the country alone, your family. Do you see that? Und nicht nur aus dem Land sollte er ausziehen, sondern auch aus seiner Verwandtschaft. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père, dans le pays je te montrerai. Dans le pays je te montrerai. Donc il n'a pas dit seulement oui, va-t'en du pays. Il a dit va-t'en du pays, de ta partie et de la maison de ton père. From the country, from your kindred, from the family. Donc de la famille. And from your father's house, unto the land that I will show thee. Praise the Lord. Hallelujah. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make your name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3. And I will bless them that bless you, and curse them that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed, verse 4. Yeah. As the Lord has spoken unto him. And Lot went with him. Because whoever comes to the Lord, he never drives. Mm-hmm. Amen. Never cast out. Amen. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Mm-hmm. Praise the Lord. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. I hope you get something. Amen. I thank the Lord he has delivered me. Ich danke dem Herrn, dass er mich errettet hat. Je remercie l'Éternel qui m'a sauvé. Who will join me to sing this song? I am delivered. Praise thy Lord. I am delivered. By his blood, once I was bound by the chains of Satan, I am delivered. Praise the Lord. Come and be set free, oh my friend. Come and be set free by his blood. Are you still bound by the chains of Satan? Come and be set free, oh my friend. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. C'est une chanson où elle remercie l'Éternel parce que l'Éternel a délivré de la chaîne du diable. Praise the Lord. Hallelujah. I thought we sing it here.